الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la traduction et l'explication du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. L'explication de Umdat al-Ahkam, appelée Taysir al-Allam du Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué trois hadiths, le hadith de Aisha radiallahu anha, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, et le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala an. Le hadith de Aisha, qui peut nous réciter? Hadith de Aisha, qui était très court. Ablatif. Mohamed. أحسنت. لا صلاة بحضرة الطعام ولا بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة عند مسلم في صحيحه. طيب الحديث عبد الله بن عباس qui est le 52e حديث شهد عندي رجال مرضيون qui l'a pris. تفضل. قال شهد عندي رجالا مرضيا رجال مرضي أرضاهم عندي عمر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عفوا. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. والحديث الأخير حديث عبد سعيد الخدري كين الغسيت حسن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف رحمه الله باب قضاء الفوائت وترتيبها. Donc le chapitre du rattrapage des prières manquées et l'ordre de celles-ci. Al-Hadith al-Rabi'u wal-Khamsoun, le 54e hadith. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ja'a yawm al-Khandaq ba'dama gharabat al-Shams, faja'ala yasubbu kuffara Quraysh, wa qala ya Rasulallah, ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب رواه البخاري ومسلم. سنو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Il dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu le jour de l'Khandaq, le jour de la tranchée, après que le soleil se soit couché. Et il s'est mis à insulter les polythéistes de Quraysh et a dit « Ô envoyé d'Allah, je n'ai prié à la prière de l'Asr que lorsque le soleil s'apprêtait à se coucher. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Je jure par Allah que je ne l'ai pas prié. » Qala, il a dit, nous sommes, qui a dit? c'est Jabir qui a dit radiallahu anhu. قال فقمنا إلى بطحان. Nous sommes partis alors à Bodhan et nous avons fait nos ablutions pour la prière. Et il a prié Al-Asr après que le soleil se soit couché, puis il a prié après elle Al-Maghrib. Qui a prié Al-Asr après que le soleil se soit couché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a prié après Al-Maghrib. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith. Awalan yawm al-Khandaq. Huwa ghazwatu al-Ahzab allati qadima fiha kuffar Quraysh ma'a qabaila min Najd fahasaru al-Madinah. Les termes qui méritent explication. Premièrement, le jour de la tranchée, c'est-à-dire lors de la bataille de l'Ahzab, dans laquelle les polythéistes de la Mecque sont venus accompagner d'autres tribus de Najd et qui ont entouré Médine. ثانياً ما كدت بكسر الكافي وكاد من أفعال المقاربة ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. Et la parole de Omar al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a dit: Ô envoyé d'Allah, je n'ai prié la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil s'apprêtait à se coucher. Et le verbe kada, s'apprêter, est un verbe qui est appelé en arabe af'al muqaraba, c'est-à-dire qui signifie la proximité d'une chose, ou qu'une chose s'apprêtait à avoir lieu mais qu'elle n'a pas eu lieu. Gharabat. قال الزركشي بفتح الراء وعد ضمها خطأ هنا ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. C'est-à-dire que Omar al-Khattab radiallahu anhu a prié la prière de l'Asr au moment où le soleil s'apprêtait à se coucher, mais est-ce que le soleil s'est couché? Non. Omar radiallahu anhu a réussi à faire la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche. Ibutan bidam ilba i wakwasukun itta wadin bil Medina. Ibutan, c'est qui est une vallée à Médine. Et Cheikh ici l'a défini en étant Bodhan avec Dhamma sur le ba et Sukun sur le ta. El ma'na al ijmali. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصليها حتى قربت الشمس من الغروب فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصليها حتى الآن تطمينا لعمر الذي شق عليه الأمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة فصلى العصر بعد أن غربت الشمس وبعد صلاة العصر صلى المغرب. Le sens général du hadith. Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه est venu au prophète صلى الله عليه وسلم le jour de la tranchée après que le soleil se soit couché en insultant les polythéistes de la Mecque. Car il l'avait préoccupé lors de la prière de l'Asr et il n'a pu la prier que lorsque le soleil s'apprêtait à se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, alors que c'est le véridique, qu'il n'a pas prié la prière de l'Asr jusqu'à ce moment. C'est-à-dire au moment où Omar al-Khattab radiallahu anhu est venu se plaindre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore prié l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela afin d'apaiser Omar, car le fait d'avoir retardé l'Asr jusqu'à ce que le soleil s'apprêtait à se coucher était quelque chose qui avait grandement touché Omar al-Khattab radiallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, a fait ses ablutions, et ont fait leurs ablutions les compagnons avec lui. Il a alors prié l'Asr après que le soleil se soit couché, et ensuite il a prié la prière de Maghrib. ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. ce que l'on retient du hadith. Premièrement, l'obligation de rattraper les prières manquées parmi les cinq prières obligatoires. Que lorsque tu as manqué une prière obligatoire, qu'il est obligatoire et qu'il est impératif de la rattraper. Thaniyan, الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. Deuxièmement, ce qui apparaît de ce hadith est du fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait retardé la prière de l'Asr, qu'il ne l'a pas fait par oubli, mais que c'était volontaire de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci a eu lieu avant que la prière de la peur ne soit légiférée, comme l'ont expliqué, et comme on dit que c'était l'avis le plus juste et le plus fort, certains savants. Ou les savants. Donc ceci a eu lieu avant que la prière de la peur n'ait été légiférée. Et la prière de la peur, c'est la prière qui se fait... Non, elle se fait quand? En temps de guerre, mais pas seulement en temps de guerre. En temps de peur. Lorsque tu es poursuivi, par exemple, par un ennemi, même lorsque tu n'es pas en temps de guerre, lorsque tu es, par exemple, poursuivi par une bête féroce, d'accord? Et que ça fait des heures et des heures qu'elle te suit, et que l'heure de la prière passe. Comment tu pries? Est-ce que tu as le droit de prier dans l'état dans lequel tu es? Oui, tu as le droit, car c'est tu es en état de peur. Et bien sûr, elle a lieu le plus souvent en état de guerre. Et on avait expliqué les détails de cette prière dans des cours précédents. Thalithan, فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء ما لم يضيق وقت الحاضرة فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائت. Troisièmement, ce que l'on retient de ce hadith. Il y a une preuve dans ce hadith que l'on doit précéder la prière manquée à la prière présente. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'Asr était dépassée. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'heure de l'Asr pendant l'heure de quelle prière ? De l'Maghrib. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire al-Maghrib ou al-Asr? Al-Asr. Donc dans ce hadith, on en déduit que lorsque tu rattrapes une prière pendant l'heure d'une autre prière, que tu dois précéder la prière que tu as manquée avant la prière de l'heure dans laquelle tu as rattrapé. Non, je finis. Ma lam yadiq waqtul hadira. À condition que tu aies le temps de faire la prière actuelle. Si on prend l'exemple de l'Asr et de l'Maghrib, tu dois rattraper l'Asr avant tu dois prier l'Asr avant l'Maghrib, pendant l'heure du Maghrib, à condition qu'en priant l'Asr, tu aies le temps de prier l'Maghrib à son heure. Pourquoi ? Pour ne pas avoir une autre prière à rattraper qui serait la prière de Al-Maghrib. Donc la condition est, il faut que tu aies le temps nécessaire après avoir prié l'Asr de prier le Maghrib. Si en priant l'Asr tu sors de l'heure du Maghrib, alors commence par prier Al-Maghrib et ensuite fais précéder et ensuite prie la prière de l'Asr. C'est clair ou pas? Très. Rabi'an. جواز الدعاء على الظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. Quatrièmement, l'autorisation d'invoquer envers l'offenseur et l'opprimeur, car le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas reproché cela à qui? À Omar رضي الله عنه. خامسا, مشروعية تهوين المصائب على المصابين. Cinquièmement, qu'il est légiféré de minimiser les catastrophes pour ceux qui en sont victimes. Comment on en déduit ça dans le hadith? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Wallahi ma sallaytuha. Oh, je jure par Allah que moi je ne l'ai pas prié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour apaiser Omar dans son malheur. Et ceci est une preuve que lorsque quelqu'un est pris dans un malheur, qu'il est légiféré de minimiser celui-ci. Non pas parce que ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave de prier, de laisser une prière sortir de son heure? Oui. Mais à quoi ça sert de l'aggraver à celui qui en est victime? Surtout si cela était indépendant de sa volonté. Car Omar radiallahu anhu, pourquoi est-ce qu'il a prié jusqu'à ce que le soleil s'apprêtait à se coucher, c'est qu'il était occupé à combattre. Donc si quelqu'un vient à toi et qui est pris ou qui est victime d'une catastrophe ou qui a subi un malheur, au lieu de rajouter un malheur à son malheur, surtout si tu vois que cela était indépendant de sa volonté ou que sa responsabilité est moindre dans ce malheur, alors essaye plus de le soulager et de l'apaiser que de l'enfoncer encore plus. Sadisan, jawazu halif as-sadiq walaw lam yustahlaf. Sixièmement, l'autorisation pour celui qui dit la vérité de jurer même si on ne lui demande pas de le faire. Car le prophète sallam a dit wallahi ma sallaytuha. Il a juré par Allah qu'il n'avait pas prié l'Asr, alors que le prophète sallam n'a pas besoin de jurer, car il dit toujours la vérité sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Cela est autorisé même si on ne demande pas de jurer. Mais il faut utiliser cela avec modération, car la règle et la base est que on doit jurer en cas de nécessité ou lorsque un juge nous demande de jurer lors d'un témoignage. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ et préservez vos jurons, c'est-à-dire ne jurez pas à tout va et ne faites pas partie de ceux qui jurent à chaque fois qu'ils prononcent une parole ou à chaque fois qu'ils apportent un fait. ثم يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة ووجوبها. Puis l'auteur, rahimahullah, entame le chapitre des mérites de la prière en groupe et de son obligation. قال شيخ البسام رحمه الله من سمو هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونوا على حل مشاكلها وتداول الرأي فيها. وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره. وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة يجتمعون كل يوم وليلة خمس مرات في مسجدهم فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. Parmi la beauté de cette législation musulmane et qu'il est légiféré dans beaucoup de ses adorations le rassemblement, qui est une sorte de congrès ou de réunion musulmane, dans laquelle ou dans lesquelles se réunissent les musulmans pour nouer les liens entre eux, pour se connaître, pour se consulter mutuellement, pour s'entraider dans la résolution de leurs problèmes et pour échanger les avis entre eux. Et ces réunions ont des bénéfices immenses qui sont difficilement que l'on peut difficilement énumérer parmi ses bénéfices et ses bienfaits d'enseigner l'enseignement de l'ignorant. Aider celui qui est démuni, d'entretenir les cœurs, de montrer la puissance de l'islam et la force de l'islam, de mettre en pratique un emblème de cette religion et la première de ces réunions est bien sûr la prière en groupe dans la mosquée. C'est une petite réunion entre, ou un petit rassemblement entre les gens d'un même quartier qui se réunissent chaque jour et nuit 5 fois dans leur mosquée. Ils sont en relation, ils se connaissent et ils mettent en pratique l'unité de la communauté musulmane. الحديث الخامس والخمسون le 55e حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة رواه البخاري ومسلم. سنو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la prière en groupe est meilleure que la prière individuelle de 27 degrés. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith, al-Fadh bil-Fa'i wa-Dhali al-Mu'jamah al-Fard. Le professeur Hassan a dit que la prière en groupe est meilleure, afdalu min salat al-Fadh. Et al-Fadh, c'est une personne, al-Fard. Thaniyan, darajah, qala ibn al-Athir, lam yaqul juz'an wala nasiba. ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق إلى جهة فوق. Le professeur Salam a utilisé le terme daraja qui est, si l'on traduit, degré. Ibn al-Athir, rahimahullah, qui est un savant de la langue arabe, a dit que le professeur Hassem n'a pas dit une partie ou un pourcentage. Il n'a pas dit que la prière en groupe est meilleure que 27 fois une partie de la prière individuelle. Non, il a parlé de degrés pour montrer que la récompense va en augmentant. Et les degrés vont vers le haut. Lorsqu'on parle de degrés, cela est connoté comme le fait de monter. Quand on parle de degrés, quand on parle d'escalier par exemple, c'est quelque chose qui monte. On dit il monte en degrés. D'accord? Et cela prouve, est une image pour montrer que le professeur Hassan a voulu montrer par là que la récompense est grande et immense. Al-Ma'na al-Ijmali. يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل وتزيد على صلاة المنفرد 27 درجة من الثواب لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود وتحقيق المصالح ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم وأي محروم. Le sens général de ce hadith. Ce hadith montre les mérites de la prière en groupe sur la prière individuelle. Ceci car en groupe il y a des bénéfices immenses que l'on a cités précédemment, qui prouve que la prière en groupe est meilleure et qu'elle surpasse la prière accomplie individuellement de 27 degrés dans la récompense. Car entre les deux actes, il y a une immense différence dans le fait de mettre en pratique ce que l'islam demande. Et l'islam nous demande, entre autres aux musulmans, d'être une seule et même communauté, d'être soudés, de nous entraider les uns les autres, etc., etc. Et il n'y a aucun doute que celui qui est privé de ce bien immense est une personne qui a raté ou qui a perdu une grande chose. Le fait de ne pas bénéficier de ces 27 degrés de récompense supérieure. Celui qui se prive de ces grands biens s'est privé d'un bien immense. ما يؤخذ من الحديث اولا فيه بيان فضل الصلاه مع الجماعه. Premièrement, dans ce hadith, il y a les mérites de la prière en groupe. ثانيا فيه بيان قله ثواب الصلاه المنفرد بالنسبه لصلاه الجماعه. Il y a la démonstration que la récompense de la prière individuelle est moindre par rapport à celle de la prière en groupe. ثالثا الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد. Troisièmement, la grande différence entre la récompense de la prière en groupe et de celle de la prière individuelle. Quelle est la différence entre le point 2 et le point 3? Dans le deuxième point, il dit il y a l'explication que la récompense de la prière individuelle est moindre par rapport à celle qui est accomplie en groupe. Et troisièmement, il dit la grande différence de récompense entre la prière en groupe et la prière individuelle. C'est pas la même chose. Le deuxième point montre que la récompense de la prière individuelle est plus basse que la prière en groupe. Et le troisième point prouve que l'écart entre les deux est immense. رابعاً صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه لأن اللفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى وهذا في حق غير المعذور أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. Quatrièmement, il y a la preuve dans ce hadith de la validité de la prière accomplie individuellement, car le professeur Hassan m'a dit est meilleure la prière en groupe est meilleure que la prière faites individuellement. Cela prouve que dans les deux prières il y a un mérite, mais que une prière a plus de mérite que l'autre, c'est celle qui est accomplie en groupe. Et ceci concernant celui qui n'a pas d'excuse, c'est-à-dire celui qui a accompli la prière seul, sans excuse. Quant à celui qui a accompli la prière seul avec une excuse, alors les preuves viennent montrer et prouver qu'il a la même récompense. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux, entre autres le hadith où le professeur Hassan a dit que la prière du voyageur, que celui qui avait l'habitude de prier des prières surrogatoires, qu'il a la même récompense lorsqu'il est en voyage ou lorsqu'il est malade. طيب الحديث السادس والخمسون le 56e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, 56e hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'homme en groupe est décuplée et multipliée par rapport à sa prière dans sa maison ou dans l'endroit où il commerce 25 fois et multiplié 25 fois. Et ceci car s'il fait ses ablutions en les faisant de façon parfaite, puis sort à la mosquée et ne le fait sortir que la prière, il n'accomplira ou ne fera un pas sans qu'après celui-ci, il sera élevé d'un degré, et un péché lui sera pardonné. Et lorsqu'il prie, les anges ne cesseront d'invoquer en sa faveur tant qu'il est dans l'endroit de sa prière, en disant « Oh Allah, prie sur lui, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde, wala yazalu » et il ne cessera d'être en prière tant qu'il attend la prière. Et il ne cessera d'être en prière tant qu'il attend la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. يشير هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وأن من صلى في جماعة ضعفت حسناته على من صلى وحده 25 ضعفا، وأن السبب في هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنية خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه، فتقول في دعائها وترحمها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأن من أسباب مضاعفة الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله من الأجر في انتظاره أجر من هو في نفس الصلاة لأنه لم يحبسه إلا انتظار الجماعة، وهذه فوائد جسام لا يتهاون في تحصينها إلا محروم مشؤوم. Leçon générale du hadith. Ce hadith montre le mérite de la prière en groupe par rapport à la prière individuelle. Et que celui qui prie en groupe, eh bien, ses bonnes actions sont multipliées par 25 par rapport à celui qui l'a prié seul. Et la cause de cette multiplication est que celui qui veut prier, lorsqu'il accomplit ses ablutions de façon complète, puis sort de chez lui avec une intention sincère, de ne sortir pour autre chose que pour accomplir sa prière, eh bien, chaque pas qu'il fera l'élèveront d'un degré et lui effaceront un péché. Et lorsqu'il prie à la mosquée en groupe, les anges ne cesseront de prier sur lui. Prier sur lui, c'est-à-dire faire ses éloges. Faire ses éloges et invoquer pour lui et invoquer en sa faveur en demandant la miséricorde tant qu'il est dans l'endroit où il prie, c'est-à-dire tant qu'il est à la mosquée. Et elles disent, et les anges disent dans leurs invocations, « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. » Et parmi les causes de la multiplication des bonnes œuvres, de la prière obligatoire par rapport à la prière individuelle, c'est tant et que tant qu'il attend la prière en groupe, alors il a comme récompense de son attente la récompense de celui qui est en prière. Léanahu, car ce qu'il a retenu est l'accomplissement de la prière en groupe. Ceux-ci sont des bénéfices immenses qui ne peuvent passer sous le nez de celui qui est privé du bien. Inch'Allah Azza wa Jal, an la yaj'alana min ha'ulai al-mahrumin. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui fasse de nous que l'on ne fasse pas partie de ceux qui sont privés de ces immenses biens. Ikhtilaf al-ulama. اختلف العلماء في تلامس الجمع بين حديث 27 وحديث 25 وكل تلمساتهم وتخميمات وظنون وأقربها أن يقال العدد القليل لا ينافي العدد الكثير لأن مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين فهو داخل ضمنه La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le rassemblement entre le hadith des 27 et le hadith des 25. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 25 degrés, de 27 degrés, et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 25. Les savants ont essayé de rassembler ces deux hadiths en apportant différentes réponses, et la plupart de ces réponses ne sont pas appuyées par des hadiths authentiques. Et Cheikh Al-Bassam dit, et celle qui se rapproche le plus est le fait de dire que le nombre minime ne contredit pas le nombre qui est plus grand. Le nombre petit plus petit ne contredit pas le nombre plus grand. Donc le fait que le prophète sallam ait dit 25 et dans l'autre 27, est-ce que les 25 contredisent les 27? Non. Car les 25 entrent dans les 27. لأن مفهوم العدد غير مراد على الصحيح. Car les nombres ne sont pas voulus selon l'avis de certains usuliyyin. ما يؤخذ من الحديث أولا فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة على أن كثرة العدد أدعى لحصول زيادة في الثواب وذلك لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي بن كعب مرفوعا أن من صلى أن من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, le mérite de la prière en groupe dans la mosquée et le fait que sa récompense est multipliée. Ensuite, les mérites de la prière en groupe ont lieu lorsque le nombre dont on comprend le groupe est atteint. Et l'on comprend aussi que plus le nombre est grand et plus la récompense est grande. Et la preuve est le hadith rapporté par les Ashab al-Sunan ainsi que l'imam Ahmed dans son Musnad selon le hadith de Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il cite le hadith dans le sens que la prière de l'homme avec l'homme est meilleure que sa prière seule et que sa prière avec deux hommes est meilleure que sa prière avec un seul. Le premier exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière de combien de personnes? De deux. Que la prière à deux est meilleure que la prière seule. Et le second exemple qu'a donné le professeur Hassem, c'est la prière à trois, un homme avec deux hommes. Que cette prière est meilleure qu'une prière avec un homme avec lui, c'est-à-dire qu'une prière à deux. ثانيا النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. Deuxièmement, que la prière en individuel est moindre que la prière en groupe. ثالثا إن الجماعة ليست شرطا للصلاة فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها. Troisièmement, que le groupe de prier en groupe n'est pas une condition pour la prière, et que la prière de l'individuel est valide, mais qu'il y a une grande amputation dans sa récompense. رابعا إن كل هذا الفضل مع رفعة الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة مرتبة على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة فالثواب المذكور مرتب على مجموع الأعمال فلو خلى منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. Quatrièmement, que tout ce qui a été cité comme mérite, comme le fait d'être élevé en degré, d'avoir les péchés pardonnés, de bénéficier des invocations, des anges, que tout ceci est conditionné au fait de faire ses ablutions de façon complète, de sortir de chez soi vers la mosquée avec une sincérité, avec une intention sincère d'accomplir la prière et seulement accomplir la prière. Car la récompense citée est conditionnée à tous ses actes. Si l'une ou l'un de ces actes n'est pas fait, alors la personne ne bénéficie pas des récompenses citées. Donc pour avoir tous ces bienfaits, il faut faire ses ablutions de façon complète, et cela doit pousser le musulman tout d'abord à quoi ? À apprendre comment faire les ablutions. Car si tu ne sais pas et que tu fais les ablutions d'une façon incomplète, eh bien tu ne bénéficieras pas. Il faut donc apprendre à faire ses ablutions et apprendre comment le professeur Asselam faisait ses ablutions, et de sortir avec une intention sincère et de ne sortir que pour accomplir la prière, pas pour faire deux choses ou trois et ensuite faire la prière, ou de sortir pour aller faire les courses et faire la prière. Non, ce qui doit te faire sortir de chez toi, c'est uniquement l'intention de faire la prière. Ainsi, lorsque tout ceci est réuni, alors tu pourras bénéficier de tous ces bienfaits dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non ? Donc, la prière en groupe, c'est pas une obligation, alors. C'est pas considéré comme une obligation. Justement, on va voir ça après. On va voir ça après, Inch'Allah. Khamisan, inna limuntadiri salati thawaba man huwa fi salat. Et cinquièmement, on déduit de ce hadith que celui qui attend la prière a la récompense de celui qui est en prière. Que celui qui attend la prière a la récompense de celui qui est en prière. Al-hadith al-sabi'u wal-khamsoun. Le 57e hadith. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم. Le 57e hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière la plus lourde pour les hypocrites est la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. Et s'ils savaient ce qu'il y avait dans ces deux prières, ils y viendraient même à quatre pattes. Et j'ai eu l'intention d'ordonner que la prière soit accomplie, puis d'ordonner à un homme de présider la prière, puis de partir avec des hommes, accompagnés de flambeaux de feu vers des gens qui n'assistent pas à la prière, et de les brûler dans leur maison avec le feu. Et de les brûler avec, dans leur maison avec le feu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث فأحرق بتشديد الراء ويروى تخفيفها والتشديد أبلغ في المعنى فأحرق parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et je les brûlerai. Il est rapporté ici dans ce hadith avec le tashdid, c'est-à-dire avec la shadda sur le ra, mais il est aussi apporté dans d'autres versions فأحرق فأحرقه sans le shadda. Mais le fait d'utiliser la shadda montre mieux le caractère fort. ثانياً حبوة قال ابن الأثير الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه وهو منصوب لأنه خبر كان المقدرة أي ولو يكون الإتيان حبوة. Deuxièmement, حبوة, le terme qu'a utilisé le professeur صلى الله عليه وسلم, ابن الأثير a dit الحبو c'est le fait de marcher sur ses mains et sur ses genoux. Autrement dit, de marcher à quatre pattes. Ensuite, il a expliqué grammaticalement pourquoi est-ce que habou est mafour, mansoub, car c'est le khabar de kan qui est caché. Alors que le hal, c'est de la grammaire, et ceux qui ont un peu de connaissance comprendront. Al-ma'an al-ijmali. لما كان المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام فما يراهم الناس الذين يصلون لأن جلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ينشط لأدائها مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى ورجاء ثواب الآخرة ولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا كحبو الطفل وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع جماعة وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة ثم يأمر رجلا فيأم الناس مكانه ثم ينطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء الذين لا ذنب لهم كما ورد في بعض طرق الحديث. Le sens général du hadith. Lorsque les hypocrites adoraient Allah Azzawajal avec ostentation pour que les gens les voient. Et parce que les hypocrites ne se rappellent Allah Azzawajal que très peu. La prière de l'Isha et la prière de l'Fajr étant ou ayant lieu lorsqu'il fait noir. Les gens ne voyaient donc pas ceux qui priaient. Car la plupart de ces hypocrites n'assistaient pas à ces deux prières qui avaient lieu pendant les moments de repos et les moments dans lesquels le sommeil est savouré. Et n'est motivé à accomplir cette prière, ces prières en groupe, que celui qui est poussé par sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la récompense de l'au-delà. La situation étant ainsi, ces deux prières, la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr, étaient les plus dures et les plus lourdes à accomplir pour les hypocrites. Et s'ils savaient ce qu'il y avait dans l'accomplissement de ses prières en groupe avec les musulmans à la mosquée comme récompense, eh bien, il s'y rendrait même en marchant à quatre pattes comme le font les enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré qu'il avait l'intention de châtier et de punir ceux qui s'abstenaient de prier en groupe et ceux qui étaient fainéants au fait d'accomplir la prière en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré qu'il avait l'intention d'ordonner que la prière soit accomplie en groupe, puis d'ordonner à un homme de présider la prière à sa place, puis de partir avec des hommes munis de flambeaux de feu, de morceaux de bois allumés, de morceaux de bois, vers des gens qui n'assistaient pas à la prière et de les brûler dans leur maison avec le feu, à cause de la gravité de ce qu'ils ont, ou de la gravité de ne pas assister à la prière en groupe. Et si ce n'était les femmes, ou le prophète sallam aurait fait cela, si ce n'était les enfants et les femmes innocents qui sont présents dans ces maisons, qui n'ont pas de péché en n'assistant pas à la prière en groupe, comme cela est rapporté dans certaines versions du hadith. C'est clair ou pas ? اختلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم الصلاة في حكم صلاة الجماعة. فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذ قام بها ما يكفي إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وذهب الإمام أحمد وأتباعه أهل الحديث إلى أنها فرض عين، وبالغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة، واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Les savants ont divergé sur le jugement de la prière en groupe. Ça répond à ta question. Certains parmi Al-Hanafiyyah, Al-Malikiyyah et Al-Shafi'iyyah sont de l'avis que c'est une sunna fortement recommandée. Et d'autres, parmi ces mêmes personnes, parmi Al-Hanafiyyah, Al-Malikiyyah et Al-Shafi'iyyah, considèrent que c'est un fard kifa'i, c'est-à-dire que celui qui l'accomplit, ou lorsqu'une partie l'accomplit, l'obligation est enlevée pour les autres. Et l'imam Ahmed, ainsi que ceux qui l'ont suivi, et les gens du hadith, sont de l'avis que c'est une obligation pour chaque musulman. Et al-Zahiriya, on a vu qu'al-Zahiriya, à la tête, il y a l'imam Ibn Hazm, rahimahullah. Al-Zahiriya, eux, sont partis sur l'avis que c'est une condition pour la validité de la prière. Et c'est un avis qu'a choisi Abu al-Wafa ibn Aqil al-Hanbali, et c'est aussi l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc Cheikh al-Islam avait pour avis que d'accomplir la prière en groupe était une validité, et il utilise un hadith qu'on verra par la suite inshallah. Adilatu hadhihi al-madahib, les preuves de ces différents avis. استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة، ووجه استدلالهم أن كل من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشترك في الأفضلية، وتأولوا حديث الباب تأويلات بعيدة مكلفة مذكورة في فتح الباري ونيل الأوتار وغيرهما. Premièrement, la preuve de ceux qui sont de l'avis que c'est une sunna fortement recommandée. Ils utilisent le hadith que l'on a vu précédemment, à savoir que la prière en groupe est meilleure que la prière individuelle de 27 degrés. Et leur preuve est que chacune de ces prières, la prière en groupe et la prière individuelle, ont un mérite, mais que celui de la prière en groupe est plus grand que la prière individuelle. Et ils ont interpréter le hadith actuel, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu que l'on est en train d'expliquer, ils ont donné des interprétations qui sont lointaines et qui sont lourdes, rapportées ou citées dans le livre Fath al-Bari de Hafid ibn Hajar et le livre Nail Autar de l'imam al-Shawkani rahimahumallah. أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين وذلك لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية وذلك لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية وليس هذا دليلا مستقيما لأن هؤلاء هم بقتلهم والقتل غير المقاتلة ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فلم يكونوا تركوا واجبا يعاقبون عليه إذن. Quant à la preuve de ceux qui ont dit que c'est une obligation qui lorsqu'elle est accomplie elle est exempte pour les autres, eh bien c'est la preuve de ceux qui disent que c'est une obligation pour chacun. وذلك لمشروعية قتال تارك فرض الكفاية. Et la preuve, c'est que, car il est légiféré de tuer ou de combattre celui qui a délaissé une obligation qui, lorsqu'elle est accomplie par une partie de la musulman, l'obligation est amputée aux autres. Vous avez compris ou pas? Vous n'avez pas compris. Ils ont dit que le professeur Sallam avait l'intention de tuer ceux qui étaient, ceux qui ne sont pas venus prier. Autrement dit, ceux qui ont délaissé l'obligation minimum qui est qu'au moins une partie fasse la prière. D'accord? Parce que ceux qui ont prié, ceux qui n'ont pas prié, est-ce qu'ils étaient sûrs que un groupe allait avoir lieu? Non. Donc ils ont dit c'est la preuve. Et Cheikh Al-Bassam dit non, cela n'est pas une preuve juste, car le professeur Sallam avait l'intention de les combattre. Et si il combattait un fard kifa'i, si c'était un fard kifa'i, alors le professeur Sallam ne les aurait pas combattus, car ils n'ont pas fait de mal. À partir du moment où une partie l'a fait, alors il n'était pas pour eux obligatoire. Donc si c'est un fard kifa'i, il n'aurait pas de justification de les brûler dans leur maison. أما أدلة المجيبين لها على الأعيان فهي صحيحة صريحة فمنها حديث أبي هريرة هذا الذي معنا فإنه لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ومنها حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق وعدم القائد له فلم يرخص له ومنها مشروعيتها في أشد الحالات وهي وقت القتال وغير ذلك من أدلة ناصعة لا تقبل التأويل. À la preuve de ceux qui disent que la prière obligatoire est obligatoire pour, est impérative pour chaque personne, ce sont des preuves qui sont à la fois explicites et authentiques. Parmi ces preuves, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est avec, que l'on explique actuellement, car le professeur sallam n'avait l'intention de les châtier que à cause d'un grand péché qu'ils ont commis. Et, parmi ces hadiths, le hadith de l'aveugle qui a demandé l'autorisation au professeur Asselam de prier chez lui car la route était sinueuse et il n'avait personne pour l'accompagner. Et le professeur Asselam lui a-t-il donné l'autorisation de prier chez lui? Non. Au début, le professeur Asselam lui a dit oui. Puis il l'a rappelé en lui disant est-ce que tu entends le mot Adhin? Il a dit oui. Le professeur Asselam lui a dit alors réponds, agib. Et parmi également les preuves que la prière en groupe est obligatoire pour chaque musulman, et lorsqu'on dit pour chaque musulman, pour chaque homme pubère et qui a sa raison. Pour chaque homme pubère qui a sa raison. Quant aux femmes et aux enfants qui ne sont pas pubères, les femmes, même si elles sont pubères, mais les enfants qui ne sont pas pubères, eh bien, la prière en groupe n'est pas obligatoire pour elles, pour eux. Parmi les preuves également, que la prière en groupe est légiférée dans les situations les plus extrêmes, qui sont les situations de guerre. Et d'autres preuves qui n'acceptent aucune interprétation. أما أحاديث المفاضلة فلا دلالة فيها على عدم الوجوب لأننا لم نقل إنها لا تصح بلا جماعة ولكن نقول إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر. Quant au hadith qui montre que le mérite est différent entre la prière en groupe et la prière individuelle, il n'y a pas dans cela une preuve qu'elle n'est pas obligatoire, car nous disons car nous n'avons pas dit, ou nous ne disons pas, que la prière individuelle n'est pas valide ou n'est pas acceptée, mais nous disons que la prière est valide, mais que sa récompense est moindre, et que celui qui l'accomplit a un péché s'il n'est pas excusé, s'il n'a pas d'excuse. « Amma dalilul ghalina fi dhalik » من يرون أنها شرط لصحة الصلاة فهو ما رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع وقد تكلم العلماء في بعض رجاله وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بلا صلاة كاملة إلا في المسجد ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه وهذا التعبير كثير في لسان الشارع يريد بنفي الشيء نفي كماله. Quant à la preuve de ceux qui disent que la prière en groupe est une condition pour que la prière soit acceptée, leur preuve est le hadith rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan et Ad-Darqutni également, selon Abdullah ibn Abbas. Celui qui entend l'appel et qui ne vient pas, point de prière à lui, sauf si il a une excuse. Point de prière à lui, sauf s'il a une excuse. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit, et l'avis le plus fort concernant ce hadith, c'est que c'est un hadith mawquf et non marfou'. C'est-à-dire que c'est la parole de Abdullah ibn Abbas, mais que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont parlé sur certains rapporteurs de cette chaîne de transmission. Et, qui plus est, en considérant ce hadith authentique, eh bien, il est possible de l'interpréter en disant point de prière complète, sauf à la mosquée, afin qu'il soit en concordance avec les autres hadiths qui sont plus authentiques que lui. Et ce langage est beaucoup utilisé en islam lorsque l'on nie une chose, lorsqu'il nie une chose, il nie en réalité son caractère complet. وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة صريح في صحة صلاة المنفرد حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب. Et le hadith, la prière en groupe est meilleure que la prière de l'individuel de 27 degrés est une preuve claire que la prière de individuel est valide. Car l'islam lui a donné une part de récompense. Et quelle est la preuve que la prière individuelle a une récompense? On a dit elle est moindre, la récompense. Donc il y a quand même une récompense, mais elle est plus petite. Il n'y a pas dans le hadith qu'elle est moindre. Que la prière en groupe est meilleure de 27 degrés. Quelle est la preuve qu'il y a un mérite dans la prière individuelle? Non? Non. Elle est meilleure. Donc ça veut dire qu'elle a une qui a 27, elle est meilleure de 27 degrés. De 27 degrés, donc il y a c'est que, quelque chose entre 21 et 0. Non, si on multiplie 27 par 0, ça fait 0. Ça fait 0. Si on multiplie 27 par 1, c'est qu'il y a au minimum quelque chose. D'accord ? Donc, le fait qu'il y a 27 degrés, qu'elle est meilleure de 27 degrés, prouve qu'à la base, il y a quelque chose qu'on a multiplié. Quelque chose qui est valide et qui existe. Autrement dit, que la prière individuelle est valide. بعد أن ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة مذاهب العلماء وأدلتهم قال ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار فالذي ندين الله به بأنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre La Prière, après avoir cité les différents avis des savants et leurs preuves, il a dit: celui qui médite sur la sunna d'une façon complète, eh bien, il lui apparaîtra que le fait de prier à la mosquée, la prière obligatoire, est une obligation qui incombe à chacun, sauf s'il a une excuse qui l'exempte d'accomplir la prière de Jumu'ah et la prière en groupe. Ainsi, l'ensemble des hadiths et des hathars se réunissent et sont en concordance, et la chose par laquelle nous adorons Allah Azza wa Jal est qu'il est interdit à quiconque de délaisser la prière en groupe à la mosquée, sauf s'il a une excuse. ما يؤخذ من الحديث سكن وطن الحديث أولا إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين. Premièrement, que la prière en groupe est une obligation qui incombe à chaque homme pubère. ثانيا إن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. Deuxièmement, que celui qui délaisse la prière en groupe sans excuse a commis un péché et il mérite un châtiment. ثالثا إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق التعذيب إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب. Troisièmement, que de préserver un mal précède sur le fait de faire un bien. Lorsque tu es entre deux situations, d'empêcher un mal ou de faire un bien, alors c'est toujours empêcher le mal qui précède et qui prévaut sur faire un bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui a empêché de punir de la façon qu'il a décrite ceux qui ont délaissé la prière en groupe? C'est le fait de punir celui qui ne mérite pas d'être puni, à savoir les enfants et les femmes. Donc, d'empêcher un mal prévaut sur le fait de faire un bien. Rabi'an, inna al-munafiqina lam yaqsudu bi'ibadatihim illa al-riya'a wa al-sum'ah li'annahum lam ya'tu ila al-salati illa hina yushahiduhum al-nas. Quatrièmement, que les hypocrites n'ont d'autres buts dans leurs adorations que l'ostentation. Et le fait est que l'ostentation est la réputation. Car ils n'accomplissaient pas les prières lorsque les gens ne les voyaient pas. Car ils n'accomplissaient pas la prière lorsque les gens ne les voyaient pas. Autrement dit, lorsqu'il faisait sombre. Et il y a des hadiths à ce sujet qu'on a déjà vu, dans lesquels les compagnons, surtout lors de la prière d'El-Fajr, ne distinguez pas les uns des autres. خامساً فضل صلاتي العشاء والفجر. Cinquièmement, on en déduit le mérite des deux prières, العشاء et الفجر. سادساً ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلت لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما. Sixièmement, le caractère lourd de la prière, des deux prières de l'Fajr et de l'Isha. Mahmoulun ala adaihima fi jama'ah. Yani, le caractère lourd, il est compris dans le hadith que c'est le fait de les accomplir en groupe. Wahada ma yadulu alayhi siyaq. Et ça, c'est ce que l'on comprend du hadith. وَإِنَّمَا ثَقِلَتَا لِقُوَّةِ الدَّاعِ إِلَى التَّخَلُّفِ عَنْهُمَا وَقُوَّةِ الصَّارِفِ عَنْ حُضُورِهِمَا. Mais, en réalité, ce qui les rend durs, c'est la force de ceux qu'ils appellent à les délaisser et à ne pas y assister. Et vous connaissez les hadiths à ce sujet dans lequel tout d'abord l'âme pousse au mal, illa man rahim rabbi, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, que l'âme pousse au mal, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa man rahim rabbi, que l'âme appelle et suggère le mal sauf ceux qui sont entrés dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute que le diable également est un grand appeleur au fait de ne pas assister aux prières de l'Isha et aux prières de l'Fajr à la mosquée. Donc c'est pourquoi elles sont dures, et ce n'est pas le fait qu'il est dur de prier à la mosquée le matin ou le soir. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.